Bien bonjour cher Bonito, bienvenue dans ce nouvel hors-série JB Talk. Si tout se passe bien, mais on a l'abri de rien chez Jogging Bonito, vous devriez être en train de m'écouter en vous demandant bien ce qu'il s'est passé par chez nous pour m'avoir dans vos oreilles aussi rapidement après la diffusion du dernier épisode. Alors pour rappel, le dernier épisode c'est le 29, courir loin des apparences. Alors allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais comme quoi, tout peut arriver, donc nous avons enchaîné. Pression des vacances qui arrivent, et puis oui, vous nous avez manqué les bonitos. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec notre prochain invité sur Jogging Bonito. Cela vous donne l'occasion, tout comme à moi, de la découvrir et de lui laisser la parole avant le rush de l'épisode. Notre prochaine invitée s'appelle Emma. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer lors du live que nous avions organisé en avril 2019. Vous ne l'avez peut-être jamais rencontrée, mais si vous êtes fan de reportages télé, sa voix risque de vous être familière. Salut Emmanuel, bienvenue chez Jogging Bonito. Salut Margie, comment ça va? Ça va très bien. On dit à nos auditeurs où tu es en ce moment, parce que ça va faire rêver plus d'un, je pense. Je suis à Chamonix, en fait. Je suis partie quelques jours, à la fois pour le boulot, et puis j'ai volé un peu de temps. Je vole un peu du temps le matin, en fait, avant le travail, pour aller en montagne, vite Parfait. Fait. Voilà, c'est trop bien. C'est trop chouette ici. Tu m'étonnes. Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau le matin, et les orages arrivent, comme d'habitude, à cette période-là, vers 13h. Donc, c'est bien. Moi, ça fait longtemps que je suis plus en montagne à cette heure-ci. Et puis, c'est un de mes lieux préférés sur la planète, je pense. Bon, super. Bon, on espère. Tu y es encore pour quelques jours ou tu es rentrée? Je repars après-demain. Donc, je peux encore aller courir demain. Si j'ai un peu de temps, normalement, ça devrait passer. Voilà. Super. Bon. Mais tu as aussi quelque chose à faire avant de rentrer ou dans le train? Tu as une petite chronique à terminer, je crois. Ouais, c'est vrai. En fait, ça fait juste 2 mois et demi que je suis dessus, en fait. Mais c'est parce que j'étais dessus pendant le confinement. Ouais. Et pendant le confinement, j'étais souvent bloquée, immobilisée. Donc, c'est pour ça que l'écriture n'a pas avancé. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma chronique. Ouais, on ne va pas spoiler. Non. Mais les bonitos, ça devrait être intéressant. J'en dis pas plus. On verra ça sur l'épisode. Bon alors, pour commencer, on va commencer un petit peu formellement avec une petite introduction. Donc, où peut-on espérer fouler le macadam à tes côtés? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce qui te définit dans la vie? Et enfin, quel est ton lien avec la course à pied? Waouh! Mais ça va être long, mardi, hein. Franchement. C'est pas grave, on est là pour ça. Grosse question ouverte de journaliste que tu me poses là. Attends, j'ai monté mon game là parce que sais qui j'ai en face. Ouais, ça y est, ça va mettre la pression à David qui me cherche là depuis 2 mois et demi en me disant vas-y, je t'attends avec ta chronique, t'inquiète. Ouais, mais puis on attend sa chronique toujours. attends, c'était quoi ta première question? Alors, première question. Où peut-on espérer fouler le macadam à tes côtés? Alors, moi j'habite Paris 11e. Ouais. Qui n'est pas connu pour son dénivelé habituel. Donc, je descends plutôt vers la Seine que je ne monte. Quoique j'ai un peu les buts de Chaumont aussi, et puis des fois je vais faire les marches de Montmartre. Donc on va dire que quand je suis à Paris, en règle générale, quand je veux courir, je me lève vers 5h45 et je vais faire les quais de Seine. J'adore. L'hiver, il y a les chauves-souris. Ouais. Et l'été, il y a des mouettes et ça sent l'océan. Bon, je dis ça parce que j'habite à Paris, du coup, je m'imagine plein de trucs, tu vois, comme si j'étais au milieu de la nature. C'est vrai, je confirme. Je courais sur les quais de Seine aussi quand j'étais à Paris. Tu vois, parce que quand je dis ça aux gens des régions, on ne dit plus la province, on dit les régions. Si tu dis la province, okay, tu d'accord. Vexes les gens. Et quand je dis ça aux gens qui habitent pas Paris, ils me disent « Ouais, c'est ça, les mouettes, non mais tu te crois où, les chauves-souris, n'importe quoi. » Eh ben non, on a de la nature à Paris. Et il y a des rats aussi, il y a beaucoup de rats. Ah ouais, ça va. Bon, moi j'aime bien, enfin, c'est le folklore de Paris le matin, hein, j'aime bien. Donc voilà, je vais beaucoup sur les quais, toute seule. Je cours souvent toute seule parce que j'adore ça. C'est, ça définit même ma pratique, on va dire, depuis le début. Et sinon, dès que je peux partir de Paris, donc je vais en montagne ou je vais là où j'ai grandi en Alsace, parce qu'il y a du dénivelé. Ah ouais. Et dès que je pars en reportage, que ce soit n'importe où, j'emmène toujours mes running et je vais toujours courir où que je sois, en fait. Ah ouais. Je me souviens, Tu me l'avais partagé en privé quand tu étais allée voir les Tarahumara. C'est là, Ouais, carrément, au Mexique. C'est au Mexique, c'est ça? Ouais, j'avais fait un reportage sur des Français qui allaient faire une course avec un ultra-trail avec les Rarámuri, ça c'est le nom raccourci du peuple. Et en fait, je les avais suivis pour réaliser un doc. Et du coup, à un moment donné, j'ai mis mes baskets aussi et puis j'y suis allée. C'était génial, génial. Et d'ailleurs, tu sais, c'est là, mardi, que j'ai commencé à faire du trail. C'est là-bas. Ah ouais, c'était de là que tu as commencé. Ouais. C'est marrant. Je croyais que tu en faisais déjà avant. Mais avant, en fait, je faisais du marathon. J'étais inscrite en club d'athlée et je faisais que du béton. Et quand je suis partie pour faire ce reportage, l'organisateur de la course m'avait dit, je te préviens, il y a un endroit, il y a un segment qui fait à peu près 30 bornes où tu ne pourras pas juste filmer. Il faudra que tu chausses tes baskets et que tu suives les concurrents parce que ça descend très profond dans les canyons. Et si tu veux les suivre, il faut que tu descendes toi aussi et que tu remontes. Donc, c'était genre un segment qui faisait 30 km il devait y avoir 2000 de D+ ou un truc comme ça. Et en fait, j'étais arrivée avec mes chaussures de marathon, quoi. Mes running de bitume. Et l'organisateur, il m'avait regardé, il m'avait dit, mais jamais je te laisse partir avec ces chaussures. T'es folle, t'as vu le terrain ici. Effectivement, c'était de la caillasse, mais qui glissait, mais comme j'ai jamais revu depuis. Hein. Le truc, tout qui s'effritait dès que tu marchais, en fait. Et il y a une des concurrentes qui était venue avec une double paire de trail running, du coup, et qui m'en avait passé, et elle chaussait du 40, moi je chaussais du 38. T'as mis des cotons Presque, j'avais bien serré et tout, et c'est comme ça que j'ai découvert le trail, et même si j'ai beaucoup souffert quand même ce jour-là, ça a été un coup de foudre instantané. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est la meilleure façon de découvrir le trail, ouais, je trouve. Ouais, c'est sûr. C'est fantastique. Ouais. C'était chouette. Et du coup, mais t'étais descendue toute seule, c'est pas toi qui filme normalement. Donc, on n'a pas dit au Bonito, mais donc, tu es journaliste télé. Oui. Tu fais des reportages. Et c'est pas toi qui filme, non c'est... Non. Alors là, j'étais avec une caméraman. Ouais. Mais elle pouvait descendre au ciel. Je l'avais choisie parce que c'est une amie et elle est sportive, en fait. OK. Donc, elle savait, en fait, dans quoi elle mettait les pieds, mais elle venait pas avec, tu sais, les grosses caméras qu'on voit parfois, là, qu'on appelle les bêta-cams. Moi, j'ai ça dans la tête, mais ouais. C'est vrai, non. On filme très rarement avec ça et surtout pas des trucs sportifs parce que ça pèse 11 kilos. Donc, c'est pas possible. Et en fait, elle était venue avec une petite caméra, un drone. Et moi, je filmais aussi avec une espèce de GoPro sur perche. Ouais. Et donc, on filmait toutes les deux pour être sûre d'avoir plein d'images. Donc, on filmait à deux. Mais ça doit être un bon souvenir pour toutes les deux, j'imagine. C'était génial. Ouais, enfin, elle m'a dit « Non, mais plus jamais tu m'embarques dans tes trucs de malade. » Parce qu'on s'est retrouvés quand même sans eau. On n'avait pas de quoi filtrer l'eau qu'il y avait. Enfin, tu vois, on était tellement mal préparés, mais tu ne pouvais pas te préparer plus mal à une aventure, en fait. Moi, j'étais totalement naïve. Je lui avais dit « Non, mais ça va être génial. » Totalement inconsciente, comme d'habitude. On a bu l'eau avec je crois, il y avait du caca de vache à l'intérieur. On n'est pas tombé malade. Oh, vous avez de la chance. Ouais. Parce que ça me fait penser à... Je ne sais pas si tu as lu le livre Born to Run. Oui. Il parle de cette course. Oui, bien sûr. Ah, et il parle d'une trail runner qui avait eu des soucis, je crois, non Avec l'eau, justement. Je me souviens. Ou bien elle avait réussi à avoir un filtre, je ne sais plus. Mais enfin, il y avait eu un problème avec... Ouais, certainement. Enfin, bon, là, il faisait genre 55 degrés. Non, il faisait 40 degrés, mais c'était terrible, quoi. C'était terrible. Et en plus, on traversait, tu sais, c'est là où il y a des Etas, en fait, qui est une sorte de mafia locale mexicaine qui déteste les journalistes en plus. Donc, on nous avait dit surtout... Si jamais vous voyez des carrés verts de pelouse en plein milieu des canyons asséchés, vous filmez pas. Ouais. Parce que c'est du coca, en fait, planté. Tu vois, c'est leur plantation. Donc, nous, on était avec les drones. C'est n'importe quoi. Oh, regarde le champ vert. Coupe. C'était n'importe quoi. Mais bon, on s'en est sortis. Regarde, tu es là pour nous le raconter, donc c'est bon. Bon, en tout cas, ouais, belle expérience pour découvrir le trail, quoi. Oui, c'est ça. C'est ma première expérience de trail. Et après, je me suis acheté des chaussures, par contre. Ouais, des bonnes chaussures à ta taille. Des bonnes chaussures à ma taille. Ouais, ça a tout changé. Pour les caillasses et tout. C'est ça. Et donc, du coup, tu as commencé la course à pied, donc tu disais sur la route. Hein. Ouais, j'ai commencé la course à pied quand j'ai arrêté de fumer. Donc, ok, y a... c'est ça qui t'a déclenché le... Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a 13 ans à peu près. Et en fait, j'étais une grosse fumeuse. Je fumais un paquet de clopes par jour. Ah ouais. Je savais qu'il fallait que... En fait, j'avais lu quelques livres sur l'arrêt de la cigarette et je savais qu'il fallait que je me trouve une autre substance. Vu que je ne voulais pas tomber dans la drogue dure, c'était pas mon plan de vie, si tu veux. Donc, ouais. Il fallait que je trouve un truc auquel j'allais pouvoir être accro. Bon, après, ça dépend des gens. Moi, je suis très addictive. Donc, lâchant la clope, il fallait que je trouve quelque chose auquel me raccrocher. Et j'avais fait quelques recherches et je savais que la course à pied, parce que je l'avais déjà un peu pratiquée, j'avais déjà un peu couru, mais comme ça, en loisir, je savais que ça pouvait être un bon client de remplacement. Et du coup, j'ai arrêté la cigarette, je me suis inscrite à un club de sport et je suis allée courir sur tapis pendant 6 mois. Oula, ouais. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi. Je sais pas, pour moi, il fallait commencer sur tapis pour apprendre à bien courir. T'avais peut-être peur de direct aller dans la rue ? Parce que tu te sentais pas coureuse peut-être ou je sais pas. Ouais, je crois. Mmh. Je crois que dans ma tête, en fait, il fallait apprendre d'abord. Et apprendre, ouais. Ça voulait dire apprendre sur tapis. Très bizarre. Et donc, en fait, j'ai passé 6 mois sur tapis 4 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Hein. Autant te dire que quand j'ai découvert qu'il y avait un extérieur et qu'on pouvait fouler le bitume dehors. Révélation. Révélation. J'ai trouvé ça incroyable. Tu m'étonnes, ouais. Et donc. Moi, je n'ai pas trop d'expérience sur tapis. Je crois que j'ai essayé 2 fois et c'était horrible pour moi de courir sur tapis. Mais j'avais déjà commencé à courir avant sur route, quoi. Donc, quand j'ai essayé sur tapis, je m'étais là, mais mon Dieu, mais au secours. Et toi, tu as toujours habité aussi dans des endroits où c'est super beau pour courir, non? Ouais, ouais. Que ça soit le sud ou que ça soit ouais, en Californie. Vrai. Non, j'ai pas à me plaindre, ouais, c'est sûr. Ouais. T'as toujours eu des super endroits. Je pense que à Paris, je me disais en fait, où c'est que tu vas courir? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et peut-être que si j'avais eu les trails comme toi à portée de main dehors de la maison, peut-être que je me serais pas posé ces questions-là. Ouais. Ouais. Mais ouais. Et en fait, mon plan s'est déroulé sans accro, c'est-à-dire que vraiment, la chimie, c'est ça. La chimie, c'est remplacée, mais comme elle s'est imbriquée, mais comme un puzzle parfait. Tu vois ? Et du coup, j'ai jamais repris la club, j'ai jamais eu envie. Par contre, j'ai commencé à courir comme une dératée, quoi. Addiction, autre addiction. C'est ça, nickel, ouais. Nickel. Oui, mais socialement acceptable. Bon, ouais, voilà. Voilà, pour la santé, ouais. C'est bien. Ça pète un peu les genoux, mais bon, voilà. Et t'es jamais allé trop loin, je veux dire, dans cette addiction à la course à pied si, à un moment donné où tu t'es dit, non, là, c'est trop, c'est, ouais, ça prend trop de place dans ma vie. Le problème, c'est que je me dis rarement, c'est trop, tu vois. J'ai pas trop de censure à l'intérieur de moi-même, donc c'est plutôt l'entourage, à un moment donné, qui me dit, c'est trop. Moi, c'est bon, non. Là, tu me saoules avec toi. Ouais. C'est ça. Non, non, moi, je me suis jamais dit ça, en fait. Oui, non, c'est l'entourage. Après, je comprenais jamais, en fait. Je disais, mais attendez, avant, je fumais. Maintenant, je cours. C'est hyper sain. Je fais du sport, quoi. Je fais du sport. C'est génial. Ouais. Donc, ça a pas mal râlé. Mais bon, après, ça, c'est... Je crois que... Alors, après, j'ai eu mes 2 enfants aussi. Donc, ça m'a calmée. J'ai eu mes 2 fils. Donc, après, il a fallu prendre du temps pour recommencer. Puis, Enfin, voilà, quand j'ai eu mes bébés, d'abord, j'ai eu envie de m'occuper d'eux, pas tout de suite de reprendre la course à pied, forcément. Donc, j'ai eu des coupures, mais Tiens, ça me fait penser qu'on n'a jamais parlé dans Jogging Bonito de la reprise de la course à pied après avoir eu des enfants. Ça pourrait être intéressant. Il y aurait des choses à dire. Moi, j'imagine. Je pense je sais pas, je n'ai jamais expérimenté ça. Mais ouais. Je pense que Émir et David, ils tomberaient de leur chaise. En même temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, peut-être on l'entend un petit peu dans les cercles de coureuses, mais pas vraiment quand même. pas trop trop. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde, hein, que les gars aussi se rendent compte de ce que c'est, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce qu'au niveau physiologique, c'est pas évident, hein, de reprendre après une grossesse. Hein. C'est Et puis même, est-ce que tu as couru pendant ta grossesse? J'ai couru au début, mais j'avais peur. Même si je savais, même si je, tu vois, je savais que c'était possible et que même, tu vois, quand tu vois Emily Forsberg courir à 6 mois de grossesse, faire son Insta avec son gros ventre dans la montagne et tout, moi, enfin, aujourd'hui, je la regarde, je me souviens de moi enceinte et je me dis, mais jamais de la vie, parce que, en fait, j'avais toujours l'impression que mon bébé, il allait tomber, quoi. Mais c'est ouais, c'est une peur stupide un peu, mais tu peux pas t'empêcher de Ouais, l'avoir, quoi. Ouais. tu Puis dis, je pense mais... que c'était aussi peut-être moins acceptable. Enfin, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais ça fait pas très longtemps que ça devient normal, entre guillemets, Oui, de faire du peut-être. sport quand tu es enceinte, hein. C'est vrai. Moi, j'ai un garçon de 12 ans et un autre garçon de 7 ans. Et Donc à mon avis, peut-être que c'était pas encore très très je acceptable. pense. Ouais. Donc voilà, donc pour en revenir à ta question, oui, l'addiction, non, non, moi j'ai toujours été un peu omnibulée de façon parfois excessive par cette pratique. Mais Bon. bon. Si t'as pas d'effet négatif, ça, je veux dire, et que ça n'affecte pas trop ton entourage, après tout, Non, c'est pas un je crois souci. que finalement, les gens finissent par se résigner autour de moi. C'est ton truc, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais après, tu vois, à un moment donné, tu peux pas non plus, comment dire, tu peux pas te couper d'une partie de ce que tu es, juste parce que les autres te disent que c'est pas bien ou que ce n'est pas acceptable ou que tu te fais du mal. Je veux dire, à un moment donné. Moi, je pouvais plus. Ouais, c'était important pour moi d'être pleinement en fait ce que je ressentais, ce que je devais être. Hein. Donc, même si les autres le voyaient négativement, moi, je pouvais plus couper dans. Tu vois, tu peux pas te couper en morceaux en fait de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Donc, j'ai décidé de vivre l'entièreté. Mais enfin, parfois, effectivement, ça pose des problèmes. Et donc, alors là, du coup, on a directement parlé de la course à pied. On va rester dans la course à pied en même temps. Donc, tu nous as expliqué comment tu es entré dans la course à pied et qu'est-ce que tu aimes finalement dans la course à pied? Pourquoi tu continues? Pourquoi ça t'a plu? Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que ça Je t'apporte? pense que ça me nettoie profondément de l'intérieur. C'est-à-dire que après, enfin, quand je commence, en fait, j'ai plein de soucis dans la tête. Il y a plein de choses qui me rendent grognon ou inquiète. Et quand je finis, même, tu vois, même si je pars qu'une heure, quand je finis, en général, tout a été lavé de l'intérieur. Et je suis comme un sous-neuf. Et je pense que l'effort en lui-même, après, ça dépend des gens, mais l'effort, c'est comme chez moi une huile dans le moteur. C'est-à-dire que ça permet à la machine de bien fonctionner, ça me permet en totalité de bien fonctionner. Même des choses qui n'ont rien à voir avec l'effort physique, Ça te pose, ça pose les choses dans ta tête. ouais. Enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, donc je peux Tu sentir le comprends. lien. Ouais, je peux comprendre ça. Ouais. Mais je pense que c'est certainement physiologique, hein, ce nettoyage interne. Puis pour moi aussi, alors je sais pas, tu me dis si ça te fait la même chose, mais tu sais, on parle beaucoup de méditation, de concentration, les choses comme ça. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à le faire comme ça, là, s'il fallait que je Ouais, médite, bien sûr. voilà. Parce que mon cerveau, il est trop partout. Pourtant, puisque mon cerveau est complètement Ouais. en live, ça me ferait du bien de méditer. Et je pense que je le trouve dans la course à pied. Parce que Ouais. quand je cours, je ne pense qu'à ça. Enfin, je n'arrive pas à. Ouais, Ou je c'est ça. réfléchis qu'à un truc à la fois, quoi, Ouais, disons. c'est ça. Mon cerveau est focus sur quelque chose et c'est ce qui me fait du bien, moi, dans la course à pied aussi. Eh, tu sais, c'est ce qu'on appelle le running pleine conscience. En fait, il y a Ouais. beaucoup d'Américains. Mais chez toi, tu dois en entendre vachement parler en Californie du running, comment ça s'appelle? Mind. Mindful. Ouais, c'est ça, Ouais. mindful. Ouais. Je pense que c'est Timothy C'est peut-être Allen ça. Donc qui. j'étais une early adopteuse, on va dire. Ouais, Je sais exactement. pas. C'est parce qu'ils ont mis un nom dessus maintenant, c'est tout. Ouais, non, mais je pense que tu dis juste, hein. À mon avis, c'est très proche de la méditation. Et c'est comme si, avec le mouvement, en fait, tu arrivais à te poser dans l'instant et tout était posé, aplani, en fait, dans un seul instant. Et il n'y avait plus rien d'autre. Et ouais. C'est très reposant, en fait. C'est hyper reposant. De ne pas penser en avant, de ne pas penser en arrière, ouais. Juste d'être dans le moment et puis de se concentrer sur une chose. Et... Ouais, je comprends tout à fait ça. Et du coup, est-ce que tu fais des courses ou non? Juste tu cours pour le plaisir de courir? Non, j'adore poser un dossard. En fait, j'aime beaucoup l'illusion de croire que je vais faire des grandes choses le matin d'une course. Alors que, je veux dire concrètement, là, objectivement, je sais très bien que je suis hyper moyenne et que je ne ferai jamais des grandes choses en course. Quel que soit le dossard que je vais porter, tu vois, ça c'est... À un moment donné, il faut objectiver les choses. Mais le matin d'une course, quand j'ai un dossard et que le départ va être donné, chaque fois, j'ai l'impression que je vais accomplir des grandes choses. Je ne sais pas si c'est l'événement, je ne sais pas si c'est l'excitation collective, le fait de partir en montagne comme ça au petit matin ou quoi. J'ai l'impression que oui, je suis partie pour une grande aventure et que que mon nom va compter, qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Et en fait, j'aime bien cette sensation de me dire, là, il faut que tu donnes tout. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Si tu donnes tout, si tu te donnes entièrement, eh ben, si ça se trouve, tu feras podium. C'est quand même, c'est quand même juste ridicule de se dire ça, parce que ça fait des années que je me dis, non, mais si ça se trouve, sur un malentendu, tu peux finir cinquième ou dixième ou quoi. Évidemment, ça ne m'arrivera jamais. Mais... et ben chaque fois que je m'aligne sur une course, je le pense et en fait cette haute espérance m'apporte énormément de joie. Voilà. Et après c'est aussi le côté tu vois d'avoir envie de te donner à 100% en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu t'entraînes pour selon le course? Est-ce que parce que du coup, je comprends ce que tu veux dire, te donner à 100%. C'est pour ça que je fais des courses aussi. C'est vrai, oui. Ouais, mais j'en fais très peu. D'accord. Genre, par exemple, une par an. OK. Et du coup, je mets beaucoup... C'est pas beaucoup d'espoir dedans, mais c'est beaucoup de... C'est là que je vais tout donner, quoi. Et ce sera ce moment-là, quoi. Alors, c'est peut-être... C'est pile ou face, parce que si tu te loupes, mais en même temps, t'auras tout donné quand même. Tu vois ce que je veux dire? Malgré tout, même si ça se passe mal. Donc, est-ce que toi, t'en fais mais beaucoup ? C'est beau, mais est-ce que ça veut dire que du coup, vu que c'est ton seul objectif de l'année, t'as pas trop de pression le matin de la course parce que tu t'es préparé vraiment pour cet événement annuel et unique ? Oui, mais est-ce que j'en aurais plus si j'en faisais plus ? Enfin, est-ce que j'en aurais moins si j'avais faisais plus de courses ? Si c'était fragmenté sur plusieurs courses ? Ouais, je sais pas, parce qu'à la base, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire... bien, quoi. D'accord. Et du coup, quoi qu'il en soit, je me serais préparée pour la course et ce serait important pour moi. Et voilà. Et t'arrives pas pleine de stress? Si, j'ai un peu de stress, c'est sûr. Ouais. Mais je l'aurais quand même, je pense, si j'en faisais beaucoup. D'accord. Donc, puis ça fait partie de la magie aussi de la course, je trouve, le stress que t'as avant. Eh, donc c'est bien, tu prends les choses sérieusement, en fait. C'est sérieux pour toi, une course. Ah ouais, mais moi, je suis sérieuse, moi. C'est ça, Non, mais je le sens un peu quand je t'écoute à travers les podcasts et tout, que et tu vois, ça dépend vachement des gens, en fait. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un jeu ou c'est pas quelque chose de sérieux. Et moi, des fois, je me dis, c'est vrai que je le prends beaucoup, beaucoup trop au sérieux, quoi, en fait. Ouais. D'avoir l'impression de jouer aussi gros à chaque fois. Bah, je sais pas, parce que est-ce que c'est bien ou pas, ça dépend des gens, quoi, tu vois. C'est pas grave si on le prend sérieusement à partir du moment où on sait qu'on le prend sérieusement et que c'est pas la fin de notre vie si jamais on se loupe, quoi, c'est non plus. Ça. Enfin, voilà. Après... Tu vois, je pense à Emir qui, je dis pas qu'il le prend pas sérieusement, mais il fait énormément de courses et puis il est relax, quoi, dans les courses. Ouais. C'est une autre façon de voir, quoi, la course à pied, quoi. C'est vrai. C'est juste autre chose, quoi. C'est vrai. C'est vrai que Emir, quand je regardais ses vidéos, je me disais, tu sais, c'est la première fois que ça m'a ouvert, en fait, sa chaîne YouTube, que ça m'a ouvert sur un monde insoupçonné, c'est-à-dire le monde des kilomètres illimités. Parce que jusque-là, comme tout le monde, j'achetais les magazines qui disaient attention, pas plus d'un marathon par an. Après, attention, pas plus de 2 marathons par an. Et soudain, je tombe sur Émir qui fait des marathons tous les week-ends, voire des ultras tous les mois. Et qui n'a pas l'air de se blesser, bien au contraire, tu vois, qui a l'air de prendre ça comme s'il allait déjeuner chez mamie le dimanche. Et, et du coup, je me dis, putain, en fait, biologiquement, c'est possible, puisque lui, il le fait. Et ça m'a vraiment ouvert tout un champ des possibles, en fait. Ça a été une révélation. Bah, tu sais, moi aussi, parce que moi, Émir, je pense que j'ai déjà dit dans Jogging Bellito, je l'ai découvert quand je m'étais mis au triathlon et j'avais lu son compte-rendu de son premier Ironman. Quand j'avais lu son compte-rendu, je m'étais dit, mais le gars, il y est allé, mais en touriste, quoi. Ouais. Je me disais, mais comment il a pu... Il avait fini, hein, son Ironman. C'est dingue. Et moi, j'étais là, je m'entraînais pour mon premier triathlon qui était juste une Olympic distance et j'étais là super au courant des règles et tout ça, parce que je me souviens de ce détail dans son compte-rendu, il expliquait que dans la zone de transition entre la natation et le vélo, il était monté sur son vélo dans la zone de transition. C'est un truc que tu ne peux pas faire en triathlon, c'est une règle, quoi. Et du coup, quand j'avais lu ça et que lui, il était tout étonné qu'on lui dise « vous n'avez pas le droit », je dis là, mais attends, le gars, il fait un Ironman et il ne connaît pas les règles des triathlons. Et au début, j'étais... Enfin, moi, ça m'avait surprise à fond aussi. Et puis, c'est juste... C'est marrant, quoi. Ça t'ouvre l'esprit sur... ça ne veut pas dire qu'il est stupide ou quoi. Enfin, c'est Émir et c'est un mec super, quoi. Et je m'entends super bien avec lui. Et ça fait du bien, en fait, de voir que on prend chacun la course à pied ou le sport de façon différente. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des points communs et se comprendre, quoi, dans notre pratique différente pour chacun. Mais ouais, c'est intéressant, comme tu dis, de voir que t'es pas obligé d'être super super à fond ou super sérieux sur un truc pour le enfin il y a plusieurs façons de profiter et de pratiquer la course à pied. Et du coup je m'étais vachement inspirée de ça pour me dire tu vois quand à un moment donné je passais d'un trail à un autre, je faisais genre à partir du printemps je faisais un trail tous les mois et du coup ma prépa c'était le trail précédent. Ok. Et après, je courais assez peu. En fait, je me laissais vachement de récup pour revenir très fraîche en fait, au trail suivant. Et c'est parce que Émir, je l'avais entendu dire un jour que, en fait, il faisait tellement de courses que chaque course précédente était son entraînement dans son plan d'entraînement. En fait, c'est les courses qui constituaient son plan d'entraînement, finalement. C'est ça, Et, parce qu'il dit qu'il n'a pas de plan d'entraînement, ce qui est vrai. Mais en faisant autant de courses, c'est... Et j'avais trouvé ça super. Et je m'étais dit, mais attends, en fait, c'est hyper arrangeant. Parce que ça veut dire que je peux aligner les dossards sans m'embêter à Paris, après, dans la semaine, à essayer de trouver du temps pour faire du fractionné, du seuil, du machin. Il ne faut pas que je fasse la même sortie. Et puis, il faut mixer. Puis trouver le temps pour la sortie longue, etc. Voilà. Alors que là, tu as là. Après... Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention dans le sens où ça marche pour Émir, ça marchera pour d'autres, mais ça ne marche pas pour tout le monde non plus. Quoi. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a tous un physique, un métabolisme, une physiologie différente et certains, on n'a pas les mêmes limites. Il faut juste trouver sa façon de... sa façon de s'entraîner qui convient, quoi. Non, et puis parce qu'il y en a qui feront énormément de kilomètres et ça leur fera rien et ça sera très bien et ça sera leur façon de faire, qu'il y en a d'autres, ils peuvent pas enchaîner les kilomètres et c'est pas grave, quoi. C'est juste différent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je suis encore, moi, vraiment dans la découverte, on va dire, de cette pratique parce que, donc après la salle de sport, pendant 6 mois, je suis quand même sortie de ma salle de sport. Je fais, super. Et donc, j'ai quand même commencé à courir petit à petit et puis après, je me suis inscrite dans un club d'athlètes parce que je me suis dit, là, j'ai vraiment envie d'apprendre. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien aller jusqu'au marathon. C'était un objectif direct. Ta tête, c'était... Je crois que c'est parce que j'étais en train... Quand je suis sortie de ma salle de sport, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme que je regardais à la télé au mois d'août. Et j'étais tombée sur le marathon le dimanche matin. Et j'avais trouvé ça dingue. matin. Ouais, tu m'étonnes. Et je m'étais dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est du marathon des longues distances. Et du coup, je me suis inscrite à un club d'athlée et c'est là où les choses sérieuses ont commencé. Et là, après, j'ai vraiment fait que du bitume. Hein, j'ai commencé par du 10 km, après des semis, après des marathons. Et je faisais quand et même... Et au bout de combien de temps, du coup, tu as fait ton premier marathon? Après avoir commencé à courir? Pas tout de suite. Hein. Moi, je suis plus une besogneuse, hein, en fait. Hein, donc, Ouais. J'ai pris vachement de temps. Déjà, j'ai eu toutes les blessures possibles et imaginables Ah la mince. première année. Comme tu sais, un môme qui va en maternelle et qui chope tous les virus. Tous les virus qui traînent. Ben moi, c'est le môme en maternelle. Première année de club d'athlé, j'ai eu toutes les blessures. Donc, non, je pense qu'au bout de 2 ans, j'ai fait mon premier marathon de Paris. C'est rapide quand même. Enfin, moi j'ai mis du temps avant de faire un premier marathon. Plus que ça. Ouais, mais je courais déjà avant, tu vois. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'en fait. C'est parce que je compare avec aujourd'hui ce que tu entends des gens quand ils te disent Ah oui, bah ouais. c'est tout juste s'ils viennent d'acheter les running que déjà ils ont prévu le marathon pour le mois suivant quoi. C'est dingue en fait. C'est plus du tout proportionné par rapport à l'effort. Et du coup, c'est vrai qu'on prend des mauvais raccourcis parce que tout devient banal en fait. C'est vrai, ça devient un peu. Ouais, maintenant, tu vois, avant, marathon, c'était quelque chose de... c'était un exploit de faire un marathon. Ouais. Je dis pas que ça l'est pas, hein. Je dis pas que ça l'est plus. Mais c'est devenu tellement courant, enfin c'est pas courant non plus, c'est dans notre monde de coureurs que c'est courant de faire un Peut-être. marathon. Mais il faut toujours aller chercher plus quoi Ouais, c'est maintenant. ça. Ouais, c'est vrai. Mais je pense pas, enfin je pense qu'il faut quand même se remettre dans le contexte et se dire que même si en fait on en entend plus parler des marathons, etc., c'est pas si courant que ça de courir un marathon et c'est pas anodin quand même. Ouais, sans compter les gens qui courent un marathon parce qu'ils se sont donné en fait cet objectif et qui abandonnent derrière et qui ne courent plus, qui passent à, si tu veux, à d'autres bucket list, comme Ouais. enfin, tu vois, ils vont cocher d'autres choses qu'ils vont chercher, c'est pas forcément la course à pied. Je sais pas. En tout cas, j'ai fait du bitume pendant longtemps et je continue. Je continue à beaucoup aimer ça, en fait, courir T'aimes bien maintenant sur le béton. mélange entre bitume Ouais, et voilà, trail, c'est quoi. ça. Ouais. J'aime beaucoup mélanger. J'aime toujours autant courir à Paris, même au milieu de la circulation, quand c'est pas forcément le matin parce que j'ai pas eu le temps. J'aime bien faire du lèche-vitrine quand je cours aussi. Ah ouais. Ouais, des Bah fois, je. après tout, hein, ça va plus vite en plus, pauvre. Des fois, je me dis, j'ai une sortie longue à faire et je fais un carré sur mon plan, en fait, dans Paris. Et je vais visiter des grandes avenues que je ne connais pas. Et du coup, je regarde en passant, Tu tu vois, je repères, ouais. cours. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, je reviendrai là, ce magasin a l'air intéressant. Je me dis tout le temps ça. Des fois, je vois des collections sortir, tu vois, les nouvelles collections printemps, le matin dans les boutiques. Et je passe en courant, je me dis, ah, toi, je t'ai repéré, je reviendrai. Le running C'est pareil, tu shopping. vois, ça me fait penser au trail où tu te dis en trail, en courant, au lieu de randonnée, tu vois, ça va plus vite, tu vois plus de trucs. C'est Bah là, c'est ça. pareil en Mais courant, oui, j'ai repéré. dans la ville. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est une pratique parfois un peu bizarre, mais bon, j'aime bien. J'aime bien la ville, j'aime bien la montagne. J'aime bien mixer, on va dire, le running bitume avec le running montagne. Ouais. Et du coup, quelle est ta distance préférée? Enfin, est-ce que tu en as une déjà? De course, hein, je veux dire. En course, qu'est-ce que tu préfères? Alors aujourd'hui, je dirais les trails moyens, c'est-à-dire les trails qui font 45-50 bornes avec 2005 ou 3000 mètres de dénivelé. Le truc Ok. que tu fais dans la journée et qui est chouette parce que tu vas pas non plus trop taper dedans, mais tu vois des belles choses dans la journée, quoi. C'est joli. Voilà. Puis tu te pousses quand même, quoi. Enfin, Et c'est pas ouais, juste une c'est petite quand même. sortie. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, j'aime bien cette distance-là. Après, je t'avoue que je suis pas allée plus loin pour l'instant que 75 km. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, par rapport à Ymir, on en parlait, Ah ouais, mais Kialine. il faut pas. C'est sûr. C'est exceptionnel aussi. Voilà. Pour te dire que j'y vais lentement quand même dans la pratique. Je monte les kilomètres, mais petit à petit, petit à petit. Et donc, c'était un 75, c'était l'Ultra Trail du Mont Ventoux. Ouais, au Pinoza. En mars, et donc on est monté dans la neige à 3 heures du matin. Et c'était un super, super souvenir. Franchement, c'était génial. Et surtout, c'était le 9 mars, donc c'était une semaine avant le confinement. Le dernier trail. Comme ça, tu en as profité là bien. C'est ça. Tu as pris tout le bon air frais avant d'être bloqué. C'est ça. Ah bah, ouais, à l'époque, on ne savait pas. Bon, tu ne le savais pas. Ben non. Mais après, ils ont tout fermé. Hein. C'était fini. Fini. Tout était rayé. C'est bien tombé d'un côté. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quelle est ta meilleure aventure running, que ce soit dans une course ou pas? S'il fallait que tu en choisisses qu'une, quoi. Ah, c'est dur, ça, comme question. C'est difficile, là, sur le running. Des questions difficiles, hein, Margie. Ah oui, là, je suis en train de passer un test pour savoir si je peux aller à la chronique. On va voir si on te prend sur l'enregistrement ou pas. C'est ça. Mais David, il m'avait prévenu. Hein, il m'avait dit, attends, des fois, on enregistre 3 ou 4 invités, on ne les passe jamais. Ils terminent dans les oubliettes. C'est pas vrai, les bonitos. David dit n'importe quoi. Il m'a dit, ouais, on les a laissés parler. Ils croyaient qu'ils passeraient un jour. Et en fait, ils ne sont jamais passés. Ils sont à la poubelle. Donc, si ça se trouve, là, il est en train de compter les points. Non, il n'a rien à dire sur GB Talk. On sait que c'est toi la chef, de toute façon. On le sait. Non, chut, il ne faut pas le dire. Voilà. Non, on est une équipe. Enfin, franchement, je pense que ça ne marcherait pas si on n'était pas tous les trois. Ça se sent. Alors attends, ma meilleure aventure, j'irai l'année dernière l'OCC à Chamonix. Ouais. Parce que, plus que le rêve, en fait, tu vois, après, les gens vont te dire, ouais, c'est surcoté, Chamonix, l'UTMB, tout ça. Mais en fait, moi, c'était un rêve quand j'ai commencé la course à pied, le trail. Je voyais en fait cette messe de Chamonix et je me disais, pour moi, tu vois, c'est les championnats du monde de trail. Il y a il y a Jim Walsney qui vient, il y a Kylian Jornet. C'est comme si on me disait, là demain, tu vas prendre le départ en même temps que, je sais pas, tu prends tes stars préférées. C'est qui tes stars préférées, Margie? Ah, je sais pas, tu me poses une quoi. Eh ouais, attention. En course à pied? Anton Kuprika, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Kuprika, on te dit, demain, tu t'alignes sur la même course que Kuprika. Tu vois, pour moi, c'était un peu... Je me mets derrière lui et puis je cours tout ce que je peux le plus vite possible pour être avec lui le plus longtemps possible. Et après, je meurs sur le bas-côté. Peut-être que c'est là où tu feras podium, tu vois. Tu vois, je me disais, attends, je vais être avec les stars... mondial du running, enfin Chamonix, c'est quand même le temple, c'est le temple. Et du coup, il y avait ça, il y avait cette espèce de rêve d'être à Chamonix, de partir. Remarque, je partais d'Orcières, je partais pas de Chamonix. Ah ouais? Je partais. C'est pas le même. Mais c'est pas le même départ que. Tu pars de Suisse, tu prends un bus à 4 heures du mat de Chamonix qui t'emmène en Suisse et tu pars de Suisse, mais par contre, tu reviens à Chamonix. Donc ça, c'est ok. Bon. Et t'as la même arrivée que l'UTMB, du coup? Oui, la même. Ouais. Sur la place de l'église, avec la grande arche, tu passes, en fait, toutes ces chicanes remplies de gens dans tout Chamonix. En plus, ils te font tourner 3 fois. T'as l'impression de... Tour d'honneur. Ouais, moi, j'avais l'impression de vivre les JO, quoi. En fait, tu vois. Ouais, bah, j'imagine. Ouais, plus, le truc dont... pour moi, qui a été vraiment le... Enfin, qui a tout changé, c'est que j'ai un pote qui s'appelle David, qui est un trailer, mais super, super bon, et qui m'avait dit, ce jour-là, je te fais l'assistance. Alors, on n'avait pas droit à l'assistance sur l'OCC, mais il m'a dit, je serai là à tous les ravitaillements pour t'encourager. Et il habite Annecy, il était monté exprès, et il avait fait toute la course, et il m'avait chaque fois reboosté et tout. Ah, et pour moi, c'était un souvenir génial, quoi, de quelqu'un qui prend sa journée juste pour s'assurer que j'ai assez de force pour aller au bout. C'est bien, c'est beau. Hein, j'avais trouvé ça magnifique. Donc voilà. Et du coup, c'est combien de kilomètres l'OCC? Je sais pas, je suis désolée. 56 et 3005 ou 3006 de dénivelé. Voilà. Donc c'était ton plus beau souvenir, quoi, de running. Ouais. Déjà parce que tu passes par des endroits qui sont magnifiques ici. Ouais, j'imagine, ouais. C'est trop beau. Et puis parce que j'avais eu aussi un coup de moins bien, mais vraiment un coup de moins bien. Enfin, je veux dire, vers 40 km, tout s'est éteint. Tu vois, j'avais plus de force, j'avais plus d'envie, j'avais plus rien. Et j'ai vécu ce que apparemment les trailers appellent une résurrection. Le truc, c'est genre la fille qui se prend pour Jésus. Non, non, mais c'est connu comme Je comprends. phénomène dans le trail. C'est où tous les étages se rallument, alors que il n'y avait plus personne et j'avais plus envie et j'avais plus de force. Et là, en fait, sans rien faire de spécial, en fait, le corps il redémarre. C'est comme un groupe électrogène, quoi, que tu rebranches. T'as rien fait, t'as pas pris un ravitaillement que t'as fait du bien ou quelque chose, Je sais pas, j'ai pas l'impression, non. Je crois que non? le corps, il est reparti en circuit interne sur lui-même, il s'est rebranché. Et ça, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mardi, sur une course. Je l'ai déjà vécu sur le plus gros ultra que j'ai fait, mais moi, ce qui m'a permis de revenir, c'est j'ai pris des morceaux de sucre, hein, et c'est ça qui m'a fait repartir, quoi. Et c'était quoi ta distance? 50 miles, donc Ah c'est ouais, 80 80 km, quoi, bornes, je crois. ouais, bah quand même, ouais. Avec du Mais moi, je sais que c'est dénivelé. le sucre qui m'avait fait. Enfin, oui, enfin, c'est sûr. C'est le C'est sucre, ces sûr. morceaux de sucre. Hein. Je tenais aux morceaux de sucre. Ah ouais. Et sur la fin, j'ai couru plus vite que. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était la fin, c'est tout, quoi. Je dis, c'était l'énergie du désespoir, quoi. C'est ça. J'étais reparti, quoi. C'était bon. J'allais le faire, j'allais le finir, le truc. Ouais, c'est ça, quand tu te vois arriver, t'as aussi le. Enfin, tu dis, c'est bon. En fait, même je pense que tu relâches les tensions, il y a toute la peur qui retombe et ça te Ouais, aussi, rapporte c'est de peut-être ça. l'énergie. De se dire que c'est bon, tu vas pas abandonner, que tu vas réussir à finir. Et du coup, ça te redonne vachement d'espoir et d'énergie. Ouais. Et c'est pour ces moments-là qu'on court, hein, je pense. Hein. C'est Enfin, vrai. qu'on fait des courses, c'est des trucs. Enfin, moi, je les ai vécus que là-dedans, quoi, que dans les courses, quoi. Ah oui, c'est De se vrai, des pousser à sentiments bout aussi et de. intenses. Ouais. De vraiment aller chercher au plus loin de ce que tu peux et de se dire, ben, j'y suis arrivée, quoi. Et puis. Ouais, pareil. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ailleurs, hein, un truc comme ça. C'est Moi pour ça que non je continue à plus. courir. Ouais, moi non plus. Et puis du coup, tu sais, ça te donne l'impression aussi d'avoir des super pouvoirs, Un parfois. peu, ouais, mais c'est vrai. Parce que c'est comme si tu repoussais toujours. Je sais qu'il y avait eu un jogging bonito sur repousser ses limites. Est-ce que la limite existe ou pas? Je me demande si c'est pas Hélène qui avait fait un truc là-dessus d'ailleurs aussi. Mais David dit que les Moi, c'était limites. pas Hélène. Hélène avait parlé de la course lente, là. D'accord. En tout cas, je me souviens d'un truc sur quelqu'un qui argumentait sur le fait que les limites existent, contrairement à ce qu'on croit, et que l'expression repousser Hélène ses avait parlé aussi limites, de ça au ouais, c'est travail. ça. Que l'expression repousser ses limites, c'était une absurdité parce qu'on était limité en fait par notre biologie, par notre physique, par le fait que voilà, on est un corps en fait et que le mental ne pouvait pas prendre forcément le pas sur le corps. Et parfois la course à pied, bah, ça te donne le sentiment inverse, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être, tu sais, Mario quand il devient invincible et qu'il pétille là, tu vois le truc, qu'il y a la petite musique qui se met et en fait tu fonces, voilà, et tu fonces dans toutes les carapaces de tortues et tu sais que tu peux bousiller tout le monde. Et bah, parfois, et ce sentiment d'invincibilité, en fait, quand il arrive, il est mais hallucinant à ressentir. Et dans la vie, tu ressens pas ça, hein. Dans les rues de Paris, quand tu marches, Non. t'entends pas cette petite musique de Mario, hein. Non, Donc, c'est clair, tu as raison. Ah, j'aime bien je vais y repenser à ça là. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on ressent en course à pied ouais. quand, ouais. Quand on est dans la zone, comme on dit. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, quelle est ta pire aventure running si tu en as une? Hein. Alors attends, la pire. Eh ben, je dirais mon troisième marathon de Paris. Ah ouais. Où en fait ça a été la canicule. C'est en fait il y a une espèce de malédiction au marathon de Paris. C'est que en fait tu t'entraînes, tu fais tout ton plan d'entraînement du marathon pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ouais. Voilà, janvier, février, mars. En général, c'est des hivers particulièrement rudes. Ces derniers temps, il y a eu de la. Enfin, sauf cette année, mais sinon, avant, il y avait eu chaque fois de la neige, il avait fait super froid et tout. Et le jour du marathon de Paris, personne ne comprend pourquoi, il fait 25 degrés. Il fait super chaud. Et le corps, là, il dit, non, mais tu déconnes, mais jamais de la vie. Tu t'es entraîné dans des zones où il faisait genre 5 degrés, et là, tu mets du 25, et donc, en général, il te dit ciao. Et là, en fait, ce jour-là, eh ben, j'ai fait une... je pense une... comment on appelle ça, une hyperthermie. Enfin... Ouais, un coup de chaud. Et ben, j'ai dû m'arrêter pendant un quart d'heure au bord de la route. C'était au 24e kilomètre où je m'étais dit je ne repartirai jamais. En fait, vraiment, j'avais la tête qui tournait, j'ai vomi. Et finalement, je suis repartie. Mais ça a été, tu te rends compte, du 24e kilomètre au 42, c'est long. A été un enfer. Un enfer. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais l'impression que je repartais, j'étais pas bien, j'avais les jambes qui flageolaient. Et puis, bah, du coup, je l'ai fait en 4h50, je crois. Et c'est horrible parce que tu essayes, en fait, dans ta tête, de trouver tous les arguments pour abandonner. Mais sauf que moi, j'arrive pas à faire ça. Et du coup, j'ai essayé de me trouver des excuses et il n'y en avait jamais une valable. Et je pense que j'ai dû en faire 40. Et chaque fois, j'avais honte. En fait, je me disais, mais non, mais ça va repartir, il faut que tu continues. Du coup, je me suis traînée comme un boulet jusqu'à l'arrivée. Et c'est affreux, affreux. Que est-ce que souffrance. Tu regrettes, du coup, d'avoir été au bout maintenant? Non, bah, non, parce que je me dis, en fait, que bah, ça devait se faire comme ça. Tu vois, tu ne peux pas regretter des choix que tu... Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Je n'ai pas mis en péril, je pense, ma santé. Donc, voilà, c'était un choix comme un autre. C'était un choix d'orgueil, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, on a beaucoup parlé de course à pied. Bon, en même temps, hein. Je suis pas du tout. Mais j'ai aussi envie de te demander, en dehors de la course à pied, qu'est-ce qui te fait vibrer, te révolte, t'enthousiasme, que tu voudrais partager avec nous? Et ben, plein de choses, tout le temps. En fait, je suis assez passionnée, en fait, de nature. Donc, j'adore mon boulot, déjà. Ça, c'est quelque chose de central. Moi, ton travail, il me fait rêver. Il faut que je dise de bonito quand même que moi, je te connaissais avant, enfin de nom, parce que j'adore les reportages. Et Mardi, que tu arrives à regarder mes reportages depuis la Californie. C'est ça qui est dingue. Ah ouais. Ah mais si, mais c'est mon truc. J'arrive pas à trouver de reportages d'ici, enfin d'émissions de reportages que j'apprécie. Ah ouais. Je trouve qu'ils vont pas dans le détail comme les reportages en France, quoi. D'accord. C'est très sur un seul... Enfin, ils n'ouvrent pas, quoi. C'est une vue sur un truc et... Je ne sais pas si... On est meilleurs que les Californiens, quoi. Ah, pour moi, oui. Ah ouais. Oui. Alors là, franchement, ça me fait trop plaisir, ce que tu me dis. Ah ouais. Donc, du coup, ton nom est Marota. Enfin, je l'ai dit, désolée. C'est pas grave, non, bien sûr. Mais... Et quand on s'est rencontrés au live, on avait déjà discuté un petit peu. On avait un petit peu discuté et après on s'est rencontrés dans la cave. Il y avait Hélène. En même temps, c'était une cave, on peut dire, là où vous nous avez entraînés. Oui, si, tout à fait. Il n'y avait pas de fenêtre. Heureusement qu'il n'y a pas eu de feu, hein, parce que sinon on ne serait pas là pour... Il n'y avait pas de sortie de secours. Non, ce n'est pas vrai. C'était très sympa. C'était un super moment. Et je pense que tout le monde s'en souvient encore tellement c'était chaleureux. Ben, on aurait bien aimé, enfin, je n'en avais pas parlé encore avec Émir et David, mais moi, je comptais, enfin, il était prévu que je rentre en France pour les vacances, enfin, en fin août, et je m'étais dit, on essaiera de voir si on peut se refaire un live. Mais trop avec bien. Les circonstances actuelles, voilà. Ah, tu crois qu'on ne pourra pas... Ah oui, tu ne pourras pas rentrer. C'est compliqué. Il y a une quarantaine en France quand on arrive. Ah oui. Nous, ça peut poser souci. Bon, ça n'en pose pas pour l'instant avec... je suis sur Green Card, donc ça ne pose pas de problème pour revenir aux États-Unis, mais on ne sait jamais d'ici là. Je n'ai pas trop envie d'être bloquée et qu'on m'enlève la Green Card. Donc, ouais. Donc, oui, on disait... Je t'ai rencontrée au live. Oui. Et donc, par rapport à ton métier de journaliste, ouais. Et donc, je me suis dit, punaise, c'est Emma Rota. Chaque fois, je regarde des reportages d'elle, quoi. Donc maintenant, chaque fois, je les regarde, je suis là. Mais je la connais, en fait. Et moi, je me suis dit, ah, mais punaise, c'est Jogging Bonito, quoi. Je les rencontre pas. C'est ça que je me disais. Ouais, donc voilà, tu vois, pour te répondre, mon métier, mes enfants, faire des trucs Ouais. avec mes enfants, leur faire découvrir mes passions. Et après, ben, j'aime beaucoup les films et les livres de science-fiction. Ah La ouais, ah tiens, c'est rigolo. SF, la SF, c'est mon truc, c'est vraiment. Et du coup, tu as une recommandation de livre de science-fiction ou de film ou de... Ben là, en ce moment, il faut relire Dune, parce qu'il y a le Dune du Canadien, comment il s'appelle, Denis Villeneuve, qui va bientôt sortir, à la rentrée, je crois, s'ils arrivent à sortir le film, parce qu'avec Covid, tout est reporté. Mais Ouais. du coup, il y a sa version de Dune qui va sortir, et pour moi, c'est la plus grande saga de science-fiction qui ait jamais existé. Donc, c'est vraiment. Enfin, j'attends ce film avec impatience. J'aime beaucoup les films de Denis Villeneuve en règle générale. Et sinon, il y a la série Dark sur Netflix. Ah, d'accord. Tu connais ou pas? Non, mais moi je suis pas très science-fiction. Ah oui, J'aime pas c'est trop, pas ouais. ton truc, Donc c'est pas ton ouais. truc. Je vois souvent David poster lui, les science-fiction, Ouais, je il prends, lit ouais. vachement de SF. Et je vois parfois, tu sais, il fait des posts Instagram avec des piles de livres. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, quand il lit, David, en fait, il lit 6 livres. Ouais. Tu vois, il n'en présente pas un. Il présente une pile de 6 et il dit, bon, ben ça, c'est pour la semaine. Et chaque fois, je vois ça, je fais, wow, j'ai intérêt à être cultivée si je veux faire un podcast de Jogging Bonito. Parce que je vais. Du coup, j'ai pas prévenu David, mais j'ai mis plein de références littéraires dans ma chronique. Et tu feras une interrogation après, à Mais la bien fin. sûr, mais bien sûr. Avec du 19e siècle et tout pour bien. C'est vrai, en plus, j'ai lu, ouais. Je peux dire, en effet, ouais. C'est la vérité. Bon, bah super, donc ton métier et la science-fiction, très bien. Ouais. Et bon, pour terminer, on va parler un peu de Jogging Bonito. Et j'ai envie de te Oui. demander comment tu l'as découvert, en fait, le podcast, Jogging si tu te Bonito, je l'ai souviens. découvert, oui, via le Twitter de Émir. Ah Parce ouais. que je suivais les lapins runners. Je loupais aucune de leurs vidéos et tout. Et à un moment donné, je me suis abonnée en fait, au Twitter de Émir. Et c'est comme ça que j'ai découvert le lien vers Jogging Bonito. Et voilà, après, du coup, j'ai vu qu'il y avait toi, il y avait David. Donc j'ai commencé. Aussi à suivre David, je crois, sur Twitter, à voir que c'était un sacré loustique. C'est la partie caustique du trio. Et puis après, je t'ai découvert toi, et puis je t'ai suivi sur Instagram, et voilà. Et puis après, j'ai écouté tous les épisodes, et ça changeait vachement des autres émissions sur la course à pied ou de ce que je pouvais connaître en fait. Parce que, par exemple, j'écoute dans la tête d'un coureur que j'aime beaucoup, mais c'est toujours, alors c'est très pro et c'est toujours très course à pied. Ça parle beaucoup d'entraînement, ça parle beaucoup de, enfin voilà, c'est très prosaïquement sur la course à pied. Et ce que j'aime beaucoup dans Jogging Bonito, c'est que c'est à la fois décalé, mais aussi philosophique. Je trouve que parfois, en fait, il y a un niveau de réflexion où tu sais, enfin, je mets mon portable sur haut-parleur et puis, genre, je vais faire des trucs dans mon appart et je vous écoute et tout ça. C'est comme ça que j'écoute les podcasts en général Ouais. quand je suis chez moi et que j'ai des trucs à faire. Parce que j'ai pas de voiture, par exemple, donc j'écoute pas mes podcasts. Et puis, j'écoute pas de podcasts en courant non plus. Du coup, je vous écoute à la maison. Et parfois, je m'arrête de faire quelque chose. Et je me dis, mais quand même, ils vont vachement loin dans la réflexion, tu vois. Parfois, c'est très poussé. Donc, j'aime bien le côté philosophique et parfois un peu absurde de Jogging Bonito. Je trouve Super, que c'est une vraie c'est plus. patte. C'est une vraie patte que vous avez par rapport à d'autres podcasts. Ouais, c'est bon, c'est ce qu'on essaie de faire. On le voit, enfin, moi personnellement, je vais parler pour moi, mais moi je le vois comme on prend la course à pied pour parler en général, quoi, en fait. Ouais, c'est Hein, ça. c'est ça. Et puis essayer d'ouvrir, parce que tous les trois, ou même avec les invités, on essaie d'avoir des gens qui sont différents et on a chacun des visions différentes et c'est ça qui est intéressant, en fait. Pour discuter, ça nous ouvre l'esprit aussi, hein, à nous aussi, hein. Et je pense que vous êtes tous les trois très complémentaires aussi. Et du coup, ça accouche d'idées intéressantes. Parce qu'on sent bien, pendant la discussion, les idées s'entrechoquer. Et quand Émir et David, par exemple, ne sont pas d'accord, ce qui arrive assez souvent, je ne sais pas si David le fait exprès parfois, mais du coup... je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement non plus. Du coup, Émir est toujours, je trouve, de bonne volonté pour dire à un moment donné « Ah ouais, c'est vrai, je ne voyais pas les choses comme ça. » Et du coup, on le voit retourner sa pensée et essayer de voir s'il peut penser différemment. Mmh. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Ouais. Ouais, il est fort pour ça, Émir. Il est beaucoup très analytique et... Ouais. Est capable de changer de point de vue, enfin pas changer de point de vue, mais de changer de point de vue dans le sens voir un problème dans un autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Il pense contre lui, en fait. Il arrive à penser contre lui. Ouais. Et ça, c'est super fort, en fait. Tu sais que c'est un truc qu'on nous apprend dans l'émission Capital. En étant journaliste, il faut que vous arriviez à... Ouais. Il faut qu'on arrive à penser contre nous. C'est-à-dire que parfois, tu as des intuitions sur des sujets qui sont corroborées par... ce que tu trouves sur le terrain et ce qu'on te dit au téléphone. Donc, tu vas voir ton rédac-chef et tu lui dis « Non, mais il faut qu'on suive cette piste parce que je pense que là, par exemple, sur l'agriculture bio, c'est cette piste qu'il faut exploiter parce que c'est la bonne. » Et tous les chiffres que tu trouves et tous les gens que tu as au téléphone corroborent en fait l'idée que tu es en train de défendre. Et là, ton rédac-chef te dit « Il faut que tu penses contre toi. » Parce que là, tout va dans ton sens et en fait, tous les éléments que tu reçois, tu prends que ceux, en fait, tu ne t'aperçois pas, mais qui vont dans ton sens. Mm-hmm. Et c'est contre-intuitif et c'est même douloureux de penser contre soi. Ça s'apprend. Et je trouve que dans votre podcast, en fait, vous arrivez à penser contre vous et à vous écouter et du coup à tordre la pensée, à la retourner. Et à voir ce qu'il y a derrière, et ça, c'est assez intéressant. Effectivement, une pensée analytique, on pourrait dire, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais elle est super intéressante parce que quand tu vas contre toi-même, en fait, tu arrives déjà à comprendre les gens qui sont en face de toi, à ne pas te borner non plus, à ne pas écouter que ton orgueil et ta mauvaise foi. Et même si parfois c'est plaisant de se laisser aller à juste de la mauvaise foi, mais c'est hyper intéressant intellectuellement d'arriver à retourner ta pensée. Ce que je voulais dire, c'est que dans Jogging Bonito, c'est un mouvement que je vois chez vous de temps en temps et que j'ai rarement vu ailleurs. Et je pense que ça tient au fait que toi, tu écoutes vachement et tu chopes des mots, tu les sondes. Et tu leur dis, mais t'as dit ça parce que... Et hop, du coup, ça leur permet de rebondir. Et les deux, là, David et Émir, je pense qu'ils sont assez forts aussi pour aller très, très loin. Ouais. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est complémentaires, ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas forcément des avis hyper tranchés sur les choses. Enfin, même si j'ai des avis, mais... Je ne saurais pas, comme le fait Émir ou David particulièrement, être à fond dans ton idée jusqu'au bout. Mais je suis curieuse. Ouais. J'aime bien écouter les gens. Ça me fait, moi, réfléchir aussi. Et j'aime bien pousser les gens. Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire par là, quoi? Aller plus loin, savoir, c'est ça. Donc, on s'est bien trouvés, je pense, les trois. Tu aurais pu être journaliste, hein. Mais ceci dit, si on peut toujours. Hein. Rien n'est tout longue. Est possible. Exactement. Et en plus, je suis aux États-Unis, donc tout est encore plus possible. Ah bah, grave, mais grave. Oh là là. Bon, et pour terminer, alors, si tu as un truc à dire à David, Émir ou même moi, vas-y, ils ne sont pas là. Bon, moi, je suis là, donc tu es obligé d'être sympa si tu as envie de me dire un truc. Mais pour David et Émir, tu peux y aller. Oh là là. Ou si tu n'as rien à dire, ce n'est pas grave. Non, mais je sais que David, il m'attend au tournant. Il sait que... Il m'envoie des trucs sur Discord en me disant... Ça parce qu'il a... Moi, je pense que c'est parce qu'il a peur. Ouais, je sais pas. Hein, je sais pas. Je pense qu'il est en train de relire tous ses bouquins. Il est en train de se revoir tous ses bouquins de SF, tous les bouquins de course à pied et tout. Et non, il m'avait dit, vas-y, écris ta chronique. De toute façon, je me prépare. Donc, Je pense que ça va être comme un jour de course hein, pour moi, participer à un jogging bonito. Je vais être devant la ligne de départ avec des grandes espérances et Mais tu vas être sur le podium là, à la fin, je peux le dire. J'espère faire podium et que David me pousse pas surtout dans le T'inquiète, moi je précipice, suis là en quoi. arbitre, donc je l'élimine. Élimination, direct. Donc voilà, écoute, je me prépare. Voilà, ça va être une belle ligne de départ. J'ai hâte. Bon, ouais, nous aussi en tout cas. Mais écoute, merci beaucoup Emma pour ta gentillesse, ton Merci à temps, toi. la volonté de venir passer un peu de temps avec nous, Mais avec moi grave. là, pour faire connaissance et puis après pour Jogging Bonito. Et donc ce sera avec grand plaisir qu'on te retrouvera sur le prochain épisode de Jogging Bonito. Donc tu as de la chance, tu auras David et Emir comme Ouais, interlocuteurs. ça c'est cool. Ça Ouais. c'est cool. Et donc, Et toi? et moi, ouais, et moi Ouais. aussi, c'est vrai. comme je disais, j'ai pu lire ta chronique et préparez-vous les bonitos, c'est aux petits oignons. Hein. Ça donne à réfléchir et je suis sûre que ça va discuter sévère avec mes deux autres acolytes. Donc on se dit Chouette. à très bientôt, Emma. À Merci bientôt, beaucoup. Margie. Merci à toi. Merci et cher bonito, ne manquez pas le prochain épisode. Bye bye. Ciao, ciao. Salut.